بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب قواعد المثلة سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer les frères sur l'étude des noms et des attributs divins en implorant le Créateur subhanahu wa ta'ala الإخلاص في القول والعمل والثبات والسداد والتوفيق. Donc dans la dernière assise, on avait terminé la mention des noms qu'a recensé l'auteur. Puisqu'on avait dit, après qu'on ait étudié le hadith qu'a mentionné l'auteur concernant le hadith du prophète, concernant le fait qu'Allah Jalla wa Ala détient 99 noms. Lillahi tisatan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah détient 99 noms, celui qui les mémorise, il rentre au paradis. Donc on avait expliqué le récit et le sens du hadith. C'est-à-dire que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a 99 que si l'on apprend, on les apprend, dans le sens on les mémorise, on les comprend et on œuvre selon les applications de ces noms. Le prophète a utilisé le terme « Ihsa » al-Ihsa, « Man Ahsaha » Dakhala al-Jannah, il rentre au paradis. Et donc on avait expliqué ce récit. Et on avait dit, du fait de l'importance de l'apprentissage des noms divins, ce qu'on appelle al-Asma al-Husna, et dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Walillahi al-Asma ul-Husna fad'uhu biha » Et Allah détient les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Subhanahu wa ta'ala, en traduction relative du verset. Et donc le fait d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les comprendre, c'est quelque chose d'immensément important. Mais ensuite, la question qui a été posée, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ses noms, le prophète, il y a un hadith qui remonte jusqu'à lui, où il y a la mention, la nomination de tous ses noms. On a dit que, en résumé, les récits qui remontent jusqu'au prophète, ça ne sont pas authentiques. Donc c'est pour ça, différents savants ont recherché dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les noms divins. Et lui, l'auteur, c'est pour ça qu'il dit qu'il s'est forcé après observation du Coran et de la Sunna de recenser les noms divins. Et on a dit que dans le Coran, il en a trouvé 81 et il a trouvé 18 noms dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça selon son ijtihad. Donc certains savants l'ont fait. Cheikh Ibn Al-Thaymin n'est pas le seul qui a recensé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et a essayé de tirer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran, de les mentionner et de les prendre à travers le Coran et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants aussi ont fait ce travail. On fait ce travail qu'a fait Cheikh. C'est pour cela que lui-même, il dit, avant de faire cela, il dit, attendu que les hadiths dénombrant les noms d'Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas authentiques, les anciens, un salaf, ont divergé à ce sujet, et il est rapporté d'après eux toutes sortes de dires. J'ai donc réuni 99 noms que j'ai pu recenser du livre d'Allah exalté, de la sunna, de son envoyé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc on avait lu dans les dernières assises, on a lu les noms qu'il a recensés du Coran, les 80 noms qu'il a recensés du Coran et les 18 qu'il a recensés à travers la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Dans l'explication, un cheikh ensuite il a mentionné dans son texte, puisqu'on a dit c'est l'auteur de l'œuvre et l'auteur du commentaire, de l'explication. On avait dit dans Al-Matn, dans l'œuvre, il a cité juste les noms, les 81 qu'il a tirés, il a recensé dans le Coran, et les 18 qu'il a recensés dans la Sunna. Dans le commentaire, puisqu'ensuite il va commenter son écrit, qui va paraître ensuite, c'est des cours audibles qui vont paraître ensuite retranscrits en livre, c'est ce qu'on est en train de lire, là il va mentionner les preuves à chaque fois. Par exemple, pour chaque nom qu'il a recensé du Coran, il va mentionner les versets comme on les a cités, on avait terminé la mention, la citation, dans la dernière assise. Dans la dernière assise. Nous, pour continuer, Inch'Allah, on va rementionner les noms. On va redire les noms que Shir a mentionnés et a recensés à travers le Coran, c'est-à-dire les 99. Donc avant de reprendre, Inch'Allah, on va reciter les noms que Shir a recensés à travers le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sans citer les preuves, puisque les preuves, on les a citées dans les cours précédents. On les a cités avec les preuves, on a lu le commentaire dans les cours précédents. Ma titre de révision, Inch'Allah, on va les rementionner. Alors il dit, et comme on avait dit ensuite, lorsque Cheikh a réuni cela, il dit qu'ensuite, il s'est assis, et cela a été lu, à Samahat Cheikh Cheikh Ben Baz. Cela a été le Cheikh Ben Baz qui a rien désapprouvé de cela. Qala, قد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رحمه الله فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. Donc le dernier qu'il a recensé, Al-Wahhab, du fait qu'on a dit il a mis selon l'ordre des lettres. Il a commencé par l'alif et il a terminé par le Al-Waw, Al-Wahhab. Il a commencé par Allah et il a terminé par Al-Wahhab. Ça c'est ce qu'il a recensé dans le Coran. Dans la Sunna on a dit 18. Qala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al-jamil الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. Donc ça, c'est les 18 que l'auteur a recensés à travers des hadiths à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, après avoir donc terminé comme on avait dit dans le commentaire, Cheikh, il a mentionné pour la sunna, il avait mentionné les hadiths. Donc on a mentionné dans la dernière assise les hadiths, par exemple, sur lesquels il s'est basé. Par exemple, pour le premier, c'était Al-Jamil. Al-Jamil, c'est par rapport au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal ». Al-Jawad, c'est par rapport au hadith divin où Allah jalla wa ala, le prophète nous rapporte qu'il dit « Bi anni jawadun majid ». En ce qui concerne Al-Hakam, par rapport au récit « Inna Allaha huwa al-Hakam ». Par rapport à Hayyiyu, « Inna Allaha hayyiyun karimun ». Al-Rabbu, fi al-Hadith, أما الركوع فعظم فيه الرب الرفيق par rapport au récit إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله السبوح par rapport au fait في دعاء الركوع والسجود l'invocation qui est rapportée lorsqu'on est en inclinaison ou bien en prosternation on dit سبوح قدوس par rapport à ce récit il a recensé le nom Subbuhun, Subbuh, parmi les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha huwa as-sayyid. As-sayyid, il a recensé dans le hadith, certes Allah est as-sayyid. As-sayyid, pour cela, il le recense parmi les noms d'Allah. As-shafi. As-shafi aussi dans la sunna, qu'on retrouve dans la sunna, par rapport au hadith, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk. Tu es celui qui guérit, il n'y a pas de guérison si ce n'est la tienne. Ensuite, Al-Qabid al-Basit, Inna Allah huwa al-Qabid al-Basit, Al-Muqaddim al-Mu'akhir, Fi Qawli sallallahu alayhi wa sallam, Fi Salat fi Dua, Anta al-Muqaddim wa Anta al-Mu'akhir. Et ensuite, concernant le nom Al-Muhsin, il l'a tiré du hadith du prophète « Inna Allaha muhsinun yuhibbu l'ihsan ala kulli shay faida qataltum fa ahsinu l'qitla » et « Al-Mu'ati » du hadith du prophète « Allahu al-Mu'ati wa ana qasim » wa ana qasim » « Al-Mannan » l'avant-dernier « Al-Mannan »« Ya Mannan »« Ya Badi' al-Samawati wal-Ard » dans le hadith. Et al-Witr dans le hadith du prophète sallam inna Allaha witrun yuhibbul witr. Ensuite, Cheikh, il continue après cela. Donc ça c'était à titre de révision. Et c'est toujours important de répéter les noms d'Allah Azza wa Jalla, c'est toujours important si on veut les apprendre de les répéter. Ensuite, il dit man arada sharh hadhihi al-asma falyarja ila an-nuniyyah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. فقد شرح كثيرا من الأسماء وشرح ما في النونية أيضا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ورأيت كتابا لبعض النحويين شرح فيه الأسماء الحسنى كلها الأسماء الحسنى كلها. Ensuite, Cheikh, il fait une portée d'attention. Il dit, et là, c'est pertinent, la portée d'attention. Il dit, celui qui voudrait l'explication. Puisque ensuite, une fois qu'on a l'énumération des noms, ensuite, ce qui est important, c'est de les comprendre. De comprendre le sens de ces noms. Pourquoi? Puisqu'on a dit, Al-Ihsa, dans le hadith du prophète, sallam, Inna Allaha tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Car Allah détient 99 noms. Parmi ces 99 noms, celui qui les apprend. Et le terme, on avait dit, Al-Ihsa, ça sous-entend, on avait dit trois choses. Les apprendre, les comprendre et œuvrer selon les applications de ces noms. Et donc, pour cela, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Cheikh, il dit, Man arada sharh hadhihi al-asma. Pour les comprendre, il faut une explication. Et certains savants ont justement expliqué. Donc, il y a des livres sur l'explication. L'explication des noms divins, pour bien comprendre par exemple le sens de Al-Mu'ati, le sens de Al-Muhsin, le sens de Al-Wadud, le sens de Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qadir, par exemple, les noms divins qu'on a cités. Pour comprendre l'essence, il dit, celui qui veut une explication de ces noms, alors il peut se référer au célèbre poème de l'imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim a un célèbre poème qu'on appelle An-Nuniyya. An-Nuniyya, avec de nombreux vers, où dans An-Nuniyya, il traite de différents sujets, que ce soit dans la croyance ou autre. Et dans An-Nuniyya, Ibn Qayyim explique, il dit, فَقَدْ شَرَحَ كَثِيرًا مِنَ الْأَسْمَى. Il a expliqué de nombreux noms. Et beaucoup de savants, justement, se sont référés dans l'explication de nom d'Allah Azza wa Jal, An-Nuniyya, ce célèbre Qasida, l'Ibn Qayyim, ce poème de l'imam Ibn Qayyim. Beaucoup de savants se sont, justement, basés sur cela. Et donc, Cheikh, il réfère et dit que ceux qui veulent un commentaire, une explication de ces noms peuvent se référer justement aux paroles de Ibn Qayyim dans An-Nuniyya concernant l'explication d'Al-Asma. Wa sharaha ma fi An-Nuniyya, et dit il y a eu un grand savant qui a commenté justement ce qu'il y a dans An-Nuniyya. Son shir justement est Shir Sa'di. Shir Sa'di justement, il a commenté. Il a commenté cela et donc Cheikh il réfère à cela. Wa sharaha ma fi An-Nuniyya aydan Cheikhuna Abd al-Rahman Sa'di. Et dit, et j'ai vu un livre, Ra'aytu kitaban li ba'd an-nahwiyyin. Il dit, j'ai vu un livre de certains grammairiens, spécialistes de la grammaire, certains nahwiyyin, sharaha fihi al-asma al-husna. Où il y a eu l'explication, justement, l'explication des noms divins, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour le commentaire de Cheikh Saadi, la'allahu fi kitab tawdih al-kafiyat al-shafiyya, le livre tawdih al-kafiyat al-shafiyya, et la'allah hadha al-kitab allati ashara ilayhi al-shaykh al-musannif huna lamma qala ra'aytu kitaban li ba'd an-nahwiyyin sharaha fihi al-asma al-husna kullaha la'allahu wa kitab tafsir asma illahi al-husna li abi ishaq az-zajjaj wallahu a'lam. Peut-être il fait ici allusion, certains dans Al-Hamish disent que ça fait allusion au kitab Tafsir al-Asma al-Husna, l'explication des noms divins, l'explication des noms divins. Et il y a des savants contemporains qui ont fait l'explication. Il y a des savants aussi contemporains qui ont fait l'explication, comme le livre célèbre de Cheikh Abdelrazzaq al-Abbad concernant l'explication des noms divins, pour ceux qui veulent s'y référer. Nous, on a cité ce qu'a mentionné Al-Sheikh. Ensuite, l'auteur, il va continuer. Il va continuer dans l'explication des règles. Et avant de passer à une autre règle concernant les noms divins, il va citer quelques questions concernant les noms. À savoir, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous prenez connaissance d'autres listes, ou en quelque sorte d'autres recensements, d'autres savants, puisque d'autres savants l'ont fait, sachez que il y a différentes catégories de noms. Il y a des noms dans l'affirmation. Il y a des noms où il y a un accord chez les savants. Première catégorie, les noms où il y a un accord chez les savants. La majorité des noms où il y a accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence chez les savants. Comme par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qadir. Les noms tirés du Coran, en grande partie, où il n'y a pas de divergence, ça c'est ce qu'on appelle la première catégorie, les noms où il y a un accord chez les savants. Deuxième catégorie, une catégorie où il peut y avoir des accords sur l'affirmation du nom. Il y a des noms où il n'y a pas un accord, unanimité chez les savants. Il n'y a pas forcément unanimité chez les savants. Par exemple, vous avez pu constater que Shir, il n'a pas recensé, par exemple, le nom dans les mimes. Vous avez peut-être remarqué, il n'a pas mis Al-Mun'im. Al-Mun'im n'est pas dans la liste. N'est pas dans la liste. Pourquoi? Parce que pour lui, Ash-Shir considère que Al-Mun'im ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi les savants peuvent sur certains noms diverger? Premièrement, ça peut être sur l'authenticité, par exemple, lorsque le nom il est tiré du hadith ou de récits du prophète, même sur l'authenticité. Si certains savants ne voient pas l'authenticité du récit, alors ils ne peuvent pas recenser le nom mentionné dans le récit. les savants, par exemple, qui voient l'authenticité du récit, vont recenser le nom. Mais aussi, même ceux qui voient l'authenticité du récit, ensuite, il faut confirmer que c'est bien et bien un nom. Un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça peut être une cause pour laquelle certains savants vont affirmer le nom comme étant un nom parmi ce qu'on appelle Al-Asma al-Husna, et d'autres savants vont pas forcément affirmer. Ensuite, il y a d'autres causes par rapport à des qawa'id. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles. Cheikh Al-Thaymin, pour recenser les noms après son observation du Coran et de la Sunna du prophète, il le fait, il s'appuie sur des règles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'appuie sur des règles. Et on peut, lorsqu'on observe un peu la manière, son recensement, comment il a recensé les noms, on peut voir certains de ses avis dans le recensement, qui va stipuler ensuite, ou même s'il ne le stipule pas, on peut voir certains de ses avis. Par exemple, les savants, beaucoup de savants disent parmi les règles dans les noms divins, par exemple, le nom ne dérive pas d'un fi'l. Le nom ne dérive pas d'un fi'l. Les savants qui, d'un acte, les savants par exemple qui voient cette règle-là, pour cela, à titre d'exemple, ils ne vont pas recenser le mun'im. Le mun'im, puisqu'il est lié à l'acte. Il est lié à l'acte. Donc, ils vont dire, on informe bien sûr au sujet d'Allah. Fawwa al-mun'im. Fawwa al-mun'im, mais ils ne vont pas forcément recenser le nom. Certains savants l'ont approuvé. Et l'ont émis parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains savants, par exemple, ne voient pas d'objection à nommer quelqu'un Abdel Mun'im, pour ceux, par exemple, qui voient que El Mun'im fait partie d'Al-Asma al-Husna. Ceux qui voient qu'il ne fait pas partie d'Al-Asma al-Husna, comme on voit dans la liste de Cheikh Ibn Uthaymeen, alors la vie est autre. Vous avez par exemple l'exemple de... Donc vous avez vu, il se base sur des règles. Vous avez pu par exemple, parmi les règles, il n'a pas recensé les noms qu'il y a lorsqu'il y a un mudaf ilayhi, lorsqu'il est lié à autre chose. Par exemple, avez-vous remarqué, c'est pour ça que cette liste on l'a lue, on l'a relue plusieurs fois. Avez-vous remarqué que Ar-Rabb, il n'a pas cité parmi les noms qu'il a recensés dans le Coran. C'est dans la liste des 18 noms. Des 18 noms qu'il a recensés dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Pourtant, dans le Coran, Ar-Rabb, il figure le nom Ar-Rabb. Allahu a'lam, si on observe dans le Coran, peut-être parce qu'il est mudaf, il est lié à autre chose. Par exemple, Alhamdulillah, Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin. Donc ici, il n'est pas cité. Il est Rabb al-Alamin, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Et donc, il y a d'autres versets où que Rabb est cité. Rabb hadha al-bayt. Rabb fali'abudu. Rabb hadha al-bayt. Rabb hadha al-bayt. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Dans la sourate Quraysh. Rabb hadha al-bayt. Tandis que dans la sunna, regardez, le nom, lorsqu'il va recenser le nom Ar-Rabb, on peut observer du hadith فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُ فِيهِ الرَّبَّ. Dans le hadith où le prophète Sam dit, en ce qui concerne l'inclinaison, scandez la grandeur de Ar-Rabb, du Seigneur. La grandeur du Seigneur. Est-ce que c'est ça la raison qu'on vient de mentionner? Allahu A'lam. En tout cas, Cheikh, il a recensé le nom Ar-Rabb dans la partie des noms qu'il a recensé dans la Sunna, qu'il a recensé dans les hadiths, par exemple. Donc Ar-Rabb, il est confirmé de manière authentique dans les hadiths. Donc ça, c'était pour qu'on sache qu'il y a des règles. Il y a des règles dans la confirmation des noms divins, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms, comme on a dit, les savants, par exemple, ont pu diverger sur Al-Mun'im. Parmi les noms aussi où les savants ont pu diverger, At-Tayyib. At-Tayyib. Que lui, par exemple, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen a recensé. Lui, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen a recensé dans les noms cités, dans les noms qu'on a cités. Il a cité At-Tayyib par rapport au Hadith. Par rapport au Hadith, Inna Allah At-Tayyibun la yaqbalu illa At-Tayyib. Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Lakin fi عد الطيب من أسماء الله تعالى فقد اختلف العلماء فقد اختلف العلماء فذكره ابن منده وابن العربي والشيخ ابن عثيمين في تعدادهم لأسماء الله عز وجل ولم يذكره الأكثرون من العلماء كسفيان بن عيينة والخطابي والبيهقي وابن حزم والقرطبي وابن القيم وابن حجر والسعدي وغيرهم ممن جمعوا أسماء الله الحسنى. Par exemple, At-Tayyib. At-Tayyib, lui, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, l'a recensé, comme on a pu voir, par rapport au hadith qu'on a cité, par rapport au récit qu'on a cité. Et Cheikh Ibn Al-Uthaymeen et d'autres qui ont fait la liste, par exemple, qui ont recensé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Mundah l'a recensé, ou Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi aussi l'a recensé. Sauf que la majorité, on va dire, il y a plus de savants qui ont fait justement ce travail. C'est pour ça qu'il y a d'autres savants, comme on a dit précédemment, Cheikh n'est pas le seul à l'avoir fait, qui ont fait ce travail. Beaucoup ne l'ont pas recensé, par exemple, At-Tayyib. Vous trouvez que certains savants n'ont pas recensé At-Tayyib et considèrent At-Tayyib parmi les noms divins. Donc lorsqu'ils ne recensent pas le nom parmi les noms divins, par contre, on peut informer. On peut informer au sujet d'Allah. Puisque dans le hadith, il est dit « Inna Allah at-Tayyib ». Il considère qu'on peut informer au sujet d'Allah qu'il est Tayyib, mais la question et le débat, est-ce qu'il fait partie des noms divins par lesquels on peut l'invoquer? Par lesquels on peut l'invoquer. Si c'est un nom divin, par exemple, « Ya Tayyib ». Par exemple. Et par lesquels on peut l'appeler. « Ka Sufyan » et parmi les gens qui ne l'ont pas recensé « Tayyib »« Ka Sufyan ibn Uyayna » Wal Khattabi, parmi eux Al Bayhaqi, parmi eux Ibn Hazm, le Shir de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen As-Sa'di. As-Sa'di aussi ne l'a pas, il est rapporté qu'il ne l'a pas recensé, ou Ibn Hajar et d'autres savants. Concernant, ça c'est concernant At-Tayyib. Tayyib. Parmi d'autres noms, on a Al-Hadi. Al-Hadi. On a beaucoup ce nom qui est célèbre. Al-Hadi, comme Abdel-Hadi. Al-Hadi. Il y a des savants, beaucoup de savants le considèrent parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants le considèrent parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de savants qui considèrent Al-Hadi parmi les noms d'Allah. Ici, on regarde dans la liste de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Dans les ha, n'a pas mentionné Al-Hadi. Dans les ha, on ne voit pas le nom Al-Hadi. On comprend que Cheikh Ibn Al-Uthaymeen ne le recense pas. Sinon, beaucoup de savants le considèrent, par exemple, Al-Hadi, et le considèrent parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa mimma dhukir, parmi ce qui est évoqué, parmi ceux qui l'ont considéré, wa athbata ism Al-Hadi, wa mimman athbata Ism al-Hadi lillah azza wa jal al-Khattabi, le grand savant al-Khattabi l'a évoqué parmi l'asma al-Husna, ou Ibn Mandah, grand imam Ibn Mandah l'a évoqué, ou al-Bayhaqi, ou Ibn Hajar, al-Hafid Ibn Hajar le mentionne, comme c'est relaté, ou al-Sheikh al-Sa'di mentionne al-Hadi parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. طيب. Ça, c'était des exemples. C'était des exemples qu'on a donnés. Par contre, les savants s'accordent pour dire que Al-Qadim, Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. Par contre, ça, les savants s'accordent, beaucoup de savants de la Sunna s'accordent pour dire Al-Qadim, Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils citent Al-Awwal, Wal-Akhiru, Wal-Zahiru, Wal-Batinu. Ça, c'est confirmé parmi les noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Wal-Qadim, celui-là, beaucoup de savants, que Cheikh Issam Taimiyyah et d'autres, grands savants contemporains et anciens, considèrent que le Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, comme on l'avait relaté cela, la base, c'est que les grands savants de la Sunna ne divergent pas sur l'affirmation des noms. Donc le fait de diverger, par exemple, sur l'affirmation d'un nom, diverger sur At-Tayyib, Al-Mun'im, ou Al-Hadi, ou d'autres noms, le fait qu'ils divergent, certains les ont recensés, certains n'ont pas recensé, ça ne veut pas dire qu'ils divergent sur Al-Asl. Al-Asl, c'est Ithbat al-Asma wa Sifat, عند معتقد أهل السنة والجماعة. Ensuite, que certains savants, par rapport aux règles, dans l'affirmation des noms, certains savants ne confirment pas At-Tayyib parmi l'Asma al-Husna. Et d'autres savants confirment, comme Cheikh Al-Athaymin, At-Tayyib parmi l'Asma al-Husna. Ça n'a pas d'incidence, ça ne veut pas dire qu'ils divisent en Aqidah. Ce n'est pas une divergence dans l'Aqidah. Puisque la divergence dans l'Aqidah, ce serait ne pas affirmer les noms divins. C'est ça, la question essentielle, c'est Ithbat al-Asma al-Husna. Et les savants de la Sunna s'accordent pour affirmer les noms d'Allah. C'est ça ce qu'on apprend dans ce livre, l'importance de l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le fait qu'on s'accorde, on s'accorde sur la base, et ça, faut bien le stipuler aux frères, parce que les frères, parfois, arrivent à se diviser pour une question. Attention, on ne dit pas des questions minimes, puisque toutes les questions sont importantes dans notre religion. Mais ils se divisent pour des questions où les gens n'ont pas à se diviser. Si par exemple, lui, il suit un shir qui affirme Ism al-Tayyib, comme Cheikh al-Athaymin, et un autre qui a appris l'Asma al-Husna, il était convaincu par l'avis de savants qu'il ne considère pas parmi l'Asma al-Husna. Il ne va pas hajar son frère en disant Hada laysa andou shuba, il a des ambiguïtés, il ne fait pas partie al-Sunnah wal-Jamara. Là. C'est pour ça qu'il faut bien, et malheureusement, beaucoup de talabat al-ilm, d'étudiants, lorsqu'ils étudient l'ilm al-tawhid depuis de nombreuses années, on se demande s'ils ont compris en fait. Et on a toujours l'impression qu'il faut toujours tout recommencer. On se demande, ils apprennent. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la valeur de Ahl al-Tawhid. Le but aussi d'apprendre Mu'taqad Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, la croyance des gens de la Sunna, et al-Tawhid, le monothéisme pur, c'est ensuite d'apprécier et de connaître la valeur de ceux qui attestent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, on voit par exemple des frères se dénigrer, alors on lui dit, mais ne vois-tu pas que ton frère atteste de l'unicité d'Allah, atteste de la seigneurie d'Allah, atteste de Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Il atteste de cela. Et ensuite, il professe Aqidati Ahli Sunnati wal-Jama'a. Mais en fait, pour beaucoup, on aurait dit, ça sert à rien. Tant qu'il n'est pas d'accord avec mon cheikh, c'est rien. Alors là, on a fait un voyage à l'époque de Soufia, où fallait être adepte, fanatique du cheikh de la confrérie. Si tu n'es pas fanatique du cheikh de la confrérie, tu ne fais pas partie de la confrérie. Mais nous ne sommes pas une confrérie. Et c'est pour ça que ces masaïls-là, il faut bien les comprendre. En fait, si on comprend bien, à force d'étudier, le mu'taqad aqidat ahl sunnati wal jama'a, c'est comme cela que vous allez vraiment vous apprécier et reconnaître la valeur de vos frères et de vos sœurs. C'est comme cela qu'on va se rendre compte de la valeur des autres. Et ça, c'est des questions très importantes. Donc, el ulama, sur l'asr, ils n'ont pas divergé. Ithbat al-asma wa sifat. Ensuite, que par exemple, que l'auteur affirme ism al-tayyib, et d'autres, par exemple, s'ils voient pas le hadith authentique, ou ils voient que ça rentre pas dans les règles pour l'affirmation d'un nom, comme al-munaim, par exemple, ça veut pas dire qu'il retéléphone fait l'aqida. Ça veut pas dire que c'est une divergence fait l'aqida. Certains disent, il y a des divergences dans l'aqida. Tu dis, quelle question dans l'aqida? Al-ulama, ils ont divergé sur ism al-muhsin. Par exemple, ism al-tayyib, ism al-munaim. Tu dis, al-ulama, ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. Ay na'am, ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. Comme ikhtalafu dans d'autres mas'ala. Lakin, lam ikhtalafu fi l'asl. Mais ils n'ont pas divergé sur la base. La base, c'est l'affirmation des noms du Créateur. Ça, c'est très important. Tant qu'on affirme les noms du Créateur, c'est mu'taqad ahl sunnati wa al-jama'a. Mais on n'a jamais entendu ou lu à travers des siècles et des générations que, par exemple, lorsqu'un savant confirmait un nom et un autre savant ne confirmait pas le nom parmi al-asma al-husna, qu'il était excommuné, exclu des gens de la sunna. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on continue quelques minutes. Cheikh, maintenant, il dit « فَإِنْ قَالَ قَائِلْ إِنَّ إِسْمَ اللَّهُ وَاللَّفْضُ الْجَلَالَ اللَّهُ أَمَّا الْبَقِيَّ فَصِفَاتٌ لَهُ تَعَالَى كَمَا لَوْ قِيلَ زَيْدٌ الْعَالِمُ فَإِنَّ الْعَالِمُ لَيْسَ إِسْمًا لِزَيْدٍ بَلْ صِفَةٌ لَهُ فَإِنَّ نَقُولَ هَذِهِ أَيْضًا أَسْمَاءٌ قَدْ تَسَمَّ اللَّهُ بِهَا » Première question, il dit « Si une personne vient, maintenant c'est très pertinent, Cheikh, il va poser des questions pour bien qu'on comprenne le domaine des noms et des attributs. Mais pour le moment, on est dans le domaine des noms. Là, c'est les premières règles que mentionne Cheikh, c'est dans les noms. Si maintenant une personne vient et s'interroge et dit « Mais en réalité, le nom d'Allah, comment s'appelle-t-il ? Allah. Allah, son nom, c'est Allah. Il s'appelle Allah. Alors, pourquoi ne dit-on pas que le reste, c'est des attributs ? C'est des attributs de Allah. Il dit, Shir, la réponse, فَإِنَّ نَقُلْ Non. Nous disons, هَذِهِ أَيْضًا أَسْمَاءٌ Cela aussi sont des noms par lesquels s'est nommé Allah. Par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, وَهُوَ السَّمِيعُ Al-Basir. C'est Allah qui dit qu'il est Al-Samir, Al-Basir. Donc tout ce qu'on retrouve dans le Coran parmi ces noms, Allah s'est nommé par ces noms-là. Allah il s'est nommé par ces noms-là. Comme de nombreux noms qu'on retrouve dans Surat Al-Hashr. Dans Surat Al-Hashr. Al-Malik al-Quddus, Al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Vous avez vu ? Al-Musawwir, Al-Bari al-Musawwir. Dans Surat Al-Hashr, de nombreux noms sont cités. Donc Cheikh dit non, ceux-là font partie des noms divins. Ça fait partie des noms par lesquels Allah Azza wa Jal s'est nommé. Autre question qu'il pose, il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلْ جَاءَ فِي سُنَّةِ أَنَّ إِسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الْحَيُّ الْقَيُّمِ Il dit que dans la sunna, il nous est venu que الاسم الأعظم les plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous avez les savants ont cherché la question quel est le ism al-a'zam, le plus grand nom d'Allah azza wa jal. Il est vu dans la sunna al-hayyu al-qayyum, al-hayyu al-qayyum. Fal hada yufid an al-asma tatafadal. Et disent que ça veut dire que certains noms ont mérite par rapport à d'autres. Et c'est ça la question. Est-ce qu'on peut considérer que certains noms ont mérite par rapport à d'autres? Al-jawab. Et dit la réponse, la shak annaha tatafadalu fi madluliha wa fi ma'naha. فبعضها يكون لها معان كثيرة كالقرآن الكريم فالقرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما فقوله تعالى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. Regardez, c'est très pertinent ce que le Cheikh dit. Il dit donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un mérite par rapport de certains noms par rapport à d'autres? Il dit, il n'y a pas de doute que certains ont mérite sur d'autres. Il n'y a pas de doute, il dit, que certains ont mérite sur d'autres. Sauf, écoutez bien ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il conditionne cela, le mérite par rapport à d'autres. أَنَّهَا تَتَفَاضُلْ فِي مَدْلُولِهَا وَفِي مَعْنَهَا. C'est-à-dire que التفاضل, la préférence et le mérite, il est lié à quoi ? À l'indication et au sens. Il est lié à l'indication et au sens. Ça, faut bien le retenir. التفاضل, le mérite et la préférence de certains par rapport à d'autres, c'est lié à quoi ? Ce qu'on appelle المدلول. المدلول, c'est l'indication. Qu'est-ce qu'indique le nom ? Quel est le sens du nom ? Donc par rapport à ce qu'il indique et par rapport au sens, il peut y avoir mérite et préférence par rapport à d'autres. Il dit فَبَعْضُهَا يَكُنُ لَهَا مَعَانٍ كَثِيرًا. Il dit certains, par exemple, renferment de nombreux sens, différents et nombreux sens. Certains, par exemple, non, il dit renferment de nombreux sens. قَالَ. Il dit par exemple, dans le Coran, si on observe les versets ou les sourates, il dit, selon l'aspect de celui qui a dit le Coran, et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a parlé, donc, al-Qur'an, kalam Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, il n'y a pas de mérite de cet aspect-là, de certains passages du Coran par rapport à d'autres. Puisque celui qui a dit le Coran, Al-Mutakallim, ou Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon cet aspect-là, qui est-ce qui a dit le Coran ? C'est la parole de qui ? C'est la parole d'Allah. Donc tout le Coran est la parole d'Allah. Selon cet aspect-là, il n'y a pas de préférence de passage par rapport à d'autres. Lorsque on est dans l'aspect qui est-ce qui a dit le Coran, c'est la parole du Créateur. Donc tout le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez bien, écoutez bien. فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ حَيْثُ الْمُتَكَلِّمْ بِهِ لَا يَتَفَاضَلْ. Donc le Coran, par rapport à l'aspect de celui qui l'a dit, et c'est la parole de qui d'Allah, il n'y a pas de préférence par rapport à certains passages par rapport à d'autres, et de mérite par rapport à certains passages ou de certains passages par rapport à d'autres. Par contre, min haythu madlulih wa mawdu'ihi ikhtalifu ikhtilafan 'aziman. Par contre, si on considère maintenant le sens et l'indication de certains passages dans le Coran, certains passages dans le Coran peuvent avoir du mérite par rapport à d'autres par rapport au sens et aux indications qu'ils ont. Vous faites la différence donc entre les deux aspects. Si on dit le Coran, tout le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de mérite d'une partie par rapport à d'autres. Selon l'aspect que tout le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, selon l'aspect des indications de certains passages du Coran et le sens de certains passages, alors certains passages, certaines sourates peuvent avoir mérite par rapport à d'autres. Ici, à titre d'exemple, pour cela, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Ce qu'indiquent ces versets-là, ce verset-là parle d'Allah et qu'Allah est l'unique. Cette sourate, Surat al-Ikhlas, elle ta'adil, elle équivaut au tiers du Coran. Tellement ce qu'elle renferme comme sens est immense. Et de ce fait, regardez, il dit لَكِنْ مِنْ حَيْثُ مَدْلُولِهِ وموضوعه يختلف اختلافا عظيما فقوله تعالى قل هو الله احد تعدل ثلث القران واعظم ايه في كتاب الله ايه الكرسي. Et c'est pour cela que aussi le verset, le plus grand verset dans le sens de mérite qu'il y a dans le Coran, ayat al-kursi, le verset du kursi dans sourate al-baqara, dans la sourate la vache. وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. Donc là on a parlé du verset et aussi la plus grande en termes de mérite, de valeur, sourate dans le Coran, sourate al-Fatiha. Al-Fatiha. Dans le Coran. Ça c'est min haythu, selon l'aspect de du sens, des indications qu'elle renferme. Fain qala qa'il. Une autre question, si on a compris cette question-là, chérie, passe à une autre question. Une autre question, une question aussi très pertinente. Il dit, يقولون إن لفظ هو ورد في القرآن أكثر من غيره من أسماء الله تعالى ويقولون إن هذا هو الاسم الأعظم ولذا إذا هم أحدهم بشيء ذكره قرابة أو قرابة عشرة آلاف مرة في الليلة لأنه الاسم الأعظم الذي عبر الله تعالى عن نفسه به فماذا يرد عليهم فماذا يرد عليهم. La question suivante, question très pertinente. Il dit, certains ont dit que Al-Lafz, la parole ou la particule Hua, Hua est plus mentionné dans le Coran min ghayrihi min asma'illahi ta'ala que certains noms du Coran, ou certains noms d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc Hua, vous avez vu, souvent Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il fait allusion à lui, il y a Hua. La ilaha illa hu. Hua. Lorsqu'on s'arrête, hu. C'est dans le sens Hua. Hua alladhi khalaqa. Hua alladhi. C'est lui. Donc souvent on voit dans le Coran Hua. Et certains ont dit Hua, il est encore plus mentionné dans le Coran, on le voit plus mentionné que certains noms divins. Alors, ils disent, et en plus ils disent que Hua, c'est Ism al-A'zam. Ils disent en fait, le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, l'immense, c'est, Allah est l'immense, et le plus grand de ses noms, c'est, ils disent, c'est Hua. Ils disent, c'est Hua. Alors pour cela, ils disent, وَلِذَا إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِشَيْءٍ. C'est pour ça que lorsqu'une personne, ils disent, il a besoin de quelque chose, il pense à quelque chose, et il veut quelque chose de son Seigneur, alors il récite des milliers de fois Hua. Il mentionne Hua, et dit des milliers de fois, comme un dhikr. قَرَابَةً عَشْرَةِ أَلَفْ. Certains le font 10 000 fois. 10 000 fois, Hua, Hu. Et c'est pour ça, vous avez vu dans certaines confréries, vous avez vu les confréries, ils disent Hu. Vous avez vu lorsqu'ils font Hu, Hu, Hu. Vous avez jamais vu? Vous avez été épargné. Alhamdoulilah. Vous saviez que certaines confréries, dans leur manière d'invoquer Allah Azza wa Jal, ils utilisent le terme Hu. Au lieu de dire Allah, ils disent Hu. Et ils disent, c'est certain. Il y a des grades dans les confréries. Il y a des grades. Certains sont arrivés à un grade, ils peuvent dire Hu. Lorsqu'ils s'adressent et ils parlent d'Allah Azza wa Jalla, ils citent Allah, ils disent Hu. Certains qui ont un plus haut grade, ils disent Allah. Lorsqu'ils invoquent, ils disent Allah. En tout cas, dans leur manière d'invoquer, ils multiplient des milliers de fois. Ils disent Hu, Hu en bougeant, parfois en dansant. Ce qu'on appelle Ad-Darawish. Vous avez jamais remarqué dans leur dhikr, ils font hu, hu, hu, hu, hu. Et le disent, c'est pour dire Hua, Hua. Et pour eux, ils appellent Allah. Pour eux, Hua, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, ce dont fait allusion Shir, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Sauf que celui qui connaît ça de ces jama'at, de ces doctrines-là, lorsqu'il va lire cette question-là, ça va tout de suite lui parler. Ça va tout de suite lui parler. Pour ça, je vous ai fait allusion à ça. Alors, regardez ce que Cheikh il dit. Il dit, pour cela, il dit, alors ils disent, le nom le plus grand, c'est Hua. Et donc, c'est pour ça, vous allez voir, dans les dhikr, ils bougent comme ça, Hu, Hu, Hu, Hu, et ils le font des milliers de fois. Ils le font des milliers de fois. C'est leur manière d'invoquer, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond à cette allégation? Al-Jawab, الجواب. إذن نقول في الرد عليهم بأن الضمير يحكي مرجعه، ففي قوله الله لا إله إلا هو. En fait, quand on voit dans le Coran huwa, hu, ici ça sous-entend huwa Allah. Ça revient à l'offre de Jalala, Allah. Allah. Comme dans les versets souvent, Allahu la ilaha illa hu. Donc, Allah, il n'y a nulle divinité à part lui. Donc, il n'a pas été dit, on ne dit pas Allah, il n'y a nulle divinité à part Allah. Allah n'a pas été répété. Allah, nulle divinité véritable, si ce n'est lui. Comme ça se dit. Allah, nulle divinité véritable, si ce n'est lui. لو أظهر في هذا السياق فقيل الله لا إله إلا الله لكان الكلام ركيكا ولم يكن دلا على المراد. Le sens, lorsqu'on dit الله لا إله إلا هو dans des versets, dans certains versets, il est le voulu est plus clair. Le sens est plus clair. Allah, nulle divinité véritable, si ce n'est lui. Si ce n'est lui. Ou ici en français, ça revient à si ce n'est lui. Si ce n'est, c'est-à-dire Allah. Subhanahu wa ta'ala. Répéter l'offre de Jalala, peut-être le sens voulu ne va pas être assez explicite et manifeste. Allahu la ilaha illa Allah. Allah, nulle divinité véritable, si ce n'est Allah. Là, dans de nombreux versets, il est dit Allah, nulle divinité véritable, si ce n'est lui. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. وَلَمْ يَكُنْ دَلَّنْ عَلَى الْمُرَادِ فَالضَّمَائِرْ تَحْكِي مَرْجِعَهَا. Donc les pronoms ici, ils servent à revenir, à citer, il sous-entend quelque chose, et revient à quelque chose, et revient justement à quelque chose. C'est pour cela que Huwa est mentionné, mais pas que Huwa fait partie des noms sublimes d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous regardez dans les listes des noms que les savants recensaient parmi les noms d'Allah, ils n'ont pas cité Ad-Damir, le pronom Huwa. Ils n'ont pas cité le pronom Huwa parmi les noms divers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Huwa fait, ça revient à Allah. C'est pour citer Allah. Et donc certains, ensuite on dit c'est Ism al-Arvam. Et lorsqu'ils invoquent Allah, ils disent Hu. Huwa. Alors qu'il ne fait pas partie des نعم الله سبحانه وتعالى قال ولم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة ولو أضفناها إلى ما اخترناها أو إلى ما اخترناه لكانت تزيد على المئة والعشرين تقريبا والظاهر أنها غير مرادة وأن المراد بالحديث الأسماء المجردة عن الإضافة والعلم عند الله تعالى. Et pour terminer, justement, Cheikh fait allusion, pour terminer, à ce qu'on a dit précédemment. Il dit, par exemple, il n'a pas recensé parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, par exemple, رب العالمين, Seigneur de l'univers, ou عالم الغيب والشهادة. Alimul Ghaibi wa Shahada. Vous avez vu, il n'a pas recensé cela. Ou bien Badi'u Samawati wal Ard, comme c'est dit dans le Coran. Badi'a. Allah dit qu'il est Badi'u Samawati wal Ard. Allah dit qu'il est Alimul Ghaibi wa Shahada. Le connaisseur de l'inconnu et de Shahada. Allah dit qu'il est Rabbul Alamin. Il dit, ça je ne l'ai pas recensé. Je n'ai pas recensé parmi les noms d'Allah. Pourquoi? Ils sont déjà, il dit, ils sont nombreux dans le Coran. Et il dit, لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا أَنَّهَا مُرَادَةً. Parce qu'il dit, pour nous, il n'a pas été clair et manifeste que c'est ce qui est voulu par le sens de cela, que ça fait partie des noms divins. Que le voulu de cela fait partie des noms divins. وَلَوْ أَضَفْنَاهَا إِلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَكَانَتْ تَزِيدُ عَلَى الْمِئَةِ وَالْعِشْرِينَ تَقْرِيبًا. Et il dit, si on aurait rajouté cela à la liste des noms, on serait arrivé à plus de 120. Il dit, la zada تزيد على المئة ولا عشرين تقريبا. On a dépassé les 120. Les 120 noms. والظاهر أنها غير مرادة. Et dit donc, ce qui est apparent, c'est pas le sens voulu. وأن المراد بالحديث الأسماء المجردة عن الإضافة. Elle le dit. Et ce qui est voulu dans ce sujet-là, c'est les noms. Lorsqu'il a recensé les noms, ce qu'il recherchait, c'est les noms qui sont exemples de idafa, d'annexion, de al-idafa. Il n'y a pas de idafa. Rabb al-Bayt, seigneur de la maison, seigneur de l'univers, etc. Ce qui est voulu, c'est le nom lorsqu'il est cité sans idafa. Donc il fait allusion à cela. Et il dit, wa la ilmu indallahi ta'ala, et la science appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va se quitter là. On avait juste un passage là, le dernier paragraphe avant la sixième règle. Je vous le lis très rapidement. Il termine en disant هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصيل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. Et il termine cette sixième règle, c'est une immense règle là, c'est un très beau chapitre qu'on a appris par ces paroles là. Je vous lis la traduction de sa parole et on se quitte sur ça. Et dans la prochaine assise, Inch'Allah, on commencera l'étude de la règle suivante, la septième règle. Donc il termine cette règle, après qu'il ait évoqué Shir tous ses noms, après qu'il ait évoqué cela, il termine cette règle avec une très belle parole, en disant, voilà les noms. Donc après la liste qu'il a donnée, il dit, voilà les noms que nous avons choisis après étude des textes. Il dit bien en arabe, après suivi, hein, observation, étude des textes, voilà la, les noms qu'il a pu choisir. Alors il dit 81 tirés du Coran et 18 dans la Sunna. Dans la Sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous avons toutefois hésité à inclure dans cette liste le nom Al-Hafi. Vous avez vu, on avait cité cela. Le nom Al-Hafi, il a hésité. Il a hésité à le recenser et à le mettre dans la liste. Il dit parce qu'il est cité avec un spécificateur dans le verset suivant. Il est aimable à mon égard. Il est dans le sens, il est Hafi, il est aimable à mon égard. Donc il dit Al-Hafi, il a eu une hésitation, mais ensuite, après observation, il l'a recensé, il a mis le Hafi parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit de même, nous avons retenu le nom Al-Muhsin. Le nom Al-Muhsin, le bienfaiteur en traduction relative, parce que nous ne connaissons pas ces transmetteurs qui se trouvent chez At-Tabarani. At-Tabarani. Cependant, Cheikh al-Islam de l'Islam l'a mentionné parmi les noms divins. Il y a également des noms, Allah exalté, qui sont cités en tant qu'annexe. Comme Malikul Mulk, Dhil Jalal, Wal Ikram, détenteur du royaume, doué de majesté et de noblesse. Et il dit aussi, bon, ça n'a pas été traduit là. Allahu A'lam, c'est peut-être. Il dit à la fin. Après qu'il ait cité Innahu kana bi hafiyan, le verset, qu'il a une hésitation sur le hafi, il dit wa makhtarnahu fa huwa hasba ilmina wa fahmina. Il dit ces noms-là qu'on a choisis, c'est selon notre savoir et notre compréhension. Cheikh dit bien, ce que j'ai recensé comme nom, c'est selon hasba ilmina wa fahmina. C'est selon notre savoir et notre compréhension. Regardez ce qu'il va dire. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Mais au-dessus de chaque connaisseur, il y a plus savant. au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Et là, cette très belle parole que dit l'auteur en terminant le listing. Il dit donc, ce que vous avez dans la liste, c'est selon ma connaissance, il dit, et ma compréhension. Mais au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Il y a plus savant. Hatta yasila dhalika, jusqu'à ce que cela parvienne au savant de l'inconnu, de shahada, wa huwa bi kulli shay'in alim, et c'est lui qui a la connaissance de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Vous, dans les autres traductions, vous l'avez ce passage traduit? Non? Al-Muhim, Sheikh, il termine comme cela. Il termine comme cela. C'est une très belle parole. Donc, on a terminé ce très beau chapitre, cette très belle règle, la sixième, et la prochaine fois, Inch'Allah, on essaiera de commencer Al-Qa'idatu Sabi'a. Al-Qa'idatu Sabi'a. Vous allez voir une règle. Il est vraiment très très pertinent dans les règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa barakallahu fikum.